Comme tous les dimanches soirs sur les ondes du 100 FM Radioactive, c'est Lost in Space, votre rendez-vous de musiques électriques. Aujourd'hui, un voyage dans une sphère un peu légèrement bruitiste, un peu noisy, un peu expérimentale et surtout très américaine et très new wave post-punk, qui sera basé en fait sur un album des Liars, un très très bon groupe américain qui va nous servir de fil conducteur et de ligne rouge pour toute cette soirée. Vous allez retrouver aussi plein d'autres choses. Comme d'habitude, les titres sont disponibles sur la page de la radio et je vous invite à m'accompagner dans ce voyage. Allez, c'est parti. Thank you. Des petits joueurs, une joueuse émérite, une sociologue du jeu vidéo, un garçon dans le réel, monde virtuel, un psychologue gamer et une journaliste dans le bain. We'll be right back. and it goes, goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes. Des tournois, des consoles et des manettes, des addictions, une médiathèque, Zelda, l'ergonomie, un fauteuil, la mémoire, l'héroïsme, des incompréhensions, des fossés et du plaisir. back, throw him in the bin, dump his grimy clothes, wash your dirty hands, take you on a walk, walk to Boogie Creek, find a secret spot, check you in the clear, strip from head to toe, pace yourself with cream, jump into the stream, pace yourself with cream, jump into the stream. Silver car driving to the town. Meet my nephew's son. Show you to our lair. Then you drop the nut. Money's in the fridge. Use your secret phone. I'll be at the beach. I'll be on the beach. I'll be at the beach. Muscle up the strength, fight a fairy snake, throw the sacred palm, jazz him in the teeth, dress up like a man, paint your golden face, slip down through the cracks, break the perfect fence, lease a bullet train, ride into the circle box. Landed in the sea, shark infested sea, swim into the rocks, find a sunken box, tell a mermaid no, try to weigh us down, ride the raging crest. Turn it to the east, turn it to the east, turn it to the east. sound of the streets. Where are you going? Flying on feet. Rush, rush, 3 steps ahead. Running, running, rhythm in the lungs. Heavy chest, what is this feeling? Where are you going? You're a propeller, engine fire. Talking to the pavement. Running, running, talking to the pavement. Running, running, talking to the pavement. Running, running, talking to the pavement. Running, running. It'll be too late. You already accelerated. It'll be too late. You already accelerated. Can't stop, can't find a pulse. Fire on all cylinders. Got a strange walk, 3 steps ahead. Got a strange look, got a spark in your eye. Heavy conductor, carries the current. A signal, a wire, a minute, a second. Talking to the pavement, running, running. Talking to the pavement, running, running. Talking to the pavement, running, running. Talking to the pavement, running, running. It'll be too late. You already accelerated. It'll be too late. You already accelerated. Can't stop, can't find the pulse. Fire on all cylinders. Il y a 100 000 femmes abritées sous des parapluies avec un cintre à la main dans les rues de Varsovie en 2016 et la question de l'avortement. Il y a aussi un régime autoritaire et nationaliste qui s'attaque aux droits des femmes et un pays catholique venu à bout du communisme, mais peut-être au détriment du féminisme. Thank you. Thank you. Une comédienne, des femmes libres, la gardienne du foyer, une gréviste qui entraîne les autres et des communistes. Thank you. monde est bien truqué. Il faut s'y montrer subtil. Vous me bâtissez des murs. Je décale mon univers. Être encore déçu ou trahi. Mentir, baiser, mourir. Les anges de vos rues ont un sexe que les mâles peuvent s'offrir. Dans mes bras, je sais un diable qui me caresse et qui pleure. Vivre pour son sourire, mentir, baiser, mourir. J'anticipe l'obscurité à 200 km/h dans la vide falsifiée de votre éternité. J'entrevois la dernière sortie, mentir, baiser, mourir. Et vous me crevez les yeux. Votre présence est rationnelle, mais vous ne vivez déjà plus. Je choisis mes souvenirs. Mentir, baiser, mourir. Je choisis mes souvenirs. Et vous me crevez les yeux. Votre présence est rationnelle, vivez déjà plus. Je choisis mes souvenirs, mais vous crevez les yeux. Votre présence est rationnelle, mais vous ne vivez déjà plus. Vous ne vivez déjà plus. Vous ne vivez déjà plus. Je choisis mes souvenirs. Mentir, baiser, mourir. Je ne suis pas un vrai héros. Je ne suis rien qu'un piquant. Piquant. Piquant. Mercredi, le 27 mars 2001, 11h, Pierre Bourdieu monte sur la tribune et s'assoit derrière le grand bureau. Veste bleu marine, chemise bleue, pas de cravate évidemment. Un peu crispé, il paraît nerveux. Le nouvel amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France est archi-comble, plus de 500 personnes. Certaines attendent depuis plus d'une heure. Un auditoire très diversifié, de jeunes étudiants, des chercheurs, des professeurs, des personnes âgées. Il y a aussi des proches collaborateurs, Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Louis Pinto, Francine Muel-Dreyfus, Bernard Lacroix, Frédéric Lebaron, Alfrano Garcia, Rosine Christin, Éric Briand. Certains suivent le cours depuis plus de 20 ans. Enfin, à ces fidèles s'ajoutent des curieux attirés par l'événement, mais aucun professeur du collège. Un photographe, tout ce qu'il y a de plus professionnel, avec trépied et grosses lentilles, prend des photos. Mais l'événement n'est pas filmé. Où est donc passé le responsable du service audiovisuel du collège ?

C'est la dernière leçon. Pierre Bourdieu prend en juin prochain sa retraite. 20 ans plus tôt, il consacrait sa leçon inaugurale à la leçon sur la leçon. Le thème de sa dernière série de cours depuis janvier 2001 est la sociologie du champ scientifique et la réflexivité. Au cœur de sa réflexion se trouve la question de l'historicisation de la raison. L'objectivité n'est-elle qu'intersubjective ? Y a-t-il des normes universelles de la raison, se demande-t-il ? Son objectif est de contribuer à l'historicisation de la science tout en évitant l'historicisme absolu. Il n'est pas question pour lui de scier la branche sur laquelle il est assis. Je suis rattaché à la tradition rationaliste et je ne veux pas participer à la destruction de la science. Et s'il veut bien objectiver la science, ce n'est donc pas tomber dans l'antiscientisme. Opposé à la mode postmoderne, il entend au contraire intégrer les deux positions opposées, l'historicisme et le rationalisme. Une attitude prudente ? Il se le demande lui-même. J'ai souvent été amené à réunir les contraires, ni ci ni ça. Il y a un refus de choisir entre deux termes d'une opposition. Il y a là quelque chose de l'habitus du chercheur. Come on, let go. Smothered makeup makes her face look as if Philosophe de la science, le lecteur admiratif de Bachelard, de Coiré et de Canguilhem, qui était le jeune Bourdieu, revient en quelque sorte au bercail, mais chaussé des gros sabots de la sociologie. Il entend faire une sociologie de la philosophie et plus largement de la science, ce qui, espère-t-il, fera le plus grand bien à la philosophie. Le sujet de la science n'est pas, a-t-il déclaré dans un cours précédent, un individu mais un champ. Et aussi, la réflexivité, ce n'est pas le cogito, c'est le champ. Donc elle est collective. Voilà de quoi irriter plus d'un philosophe. Yeah. Because I bite my nails right down to the flesh. And sometimes I am just a child, writing letters to myself, wishing out loud you were dead, and then taking it back. And I used to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. And my mum gave me this pen. She said it lights up when you press it. And are you still so depressed? And I like it that you need me. You will like me when you meet me. You will like me. When you meet me, you will like me. When you meet me, you might even fall in love. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. Says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You might even fall in love. And my mum gave me this pen. She said it lights up when you press it, and you still so depressed, and I like it that you need me. to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet, sweet. I am charming, I am sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am. Charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. Sociologie de la science en général, Pierre Bourdieu était, dans son cours précédent, passé à la sociologie des sciences sociales. Il ne lui restait qu'à faire un pas en avant pour s'engager dans l'auto-socio-analyse. Le sociologue, s'il pratique la sociologie de la science et s'il se fait le défenseur de la réflexivité, ne peut pas ne pas réfléchir sur son propre travail scientifique. Il doit objectiver le sujet de l'objectivation. Il faut donc boucler la boucle. Pierre Bourdieu est conscient de la difficulté d'un tel exercice qui est sans fin et il ne cache pas son embarras. Tout cela s'apparente à une sorte d'apologie. Bourdieu demeure prudent. Je ne pense pas me laisser trop aller. Il ne s'agit pour lui ni de faire une confession, ni d'écrire ses mémoires. Il accepte en fait de parler de lui-même, mais en notant qu'il objective sa propre trajectoire et les positions qu'il a occupées. C'est tantôt le « je », tantôt le « pb ». La socio-analyse consiste en quelque sorte à convertir des humeurs en hypothèses et des antipathies en analyses. They will discover you. shaking ever since. You told me no love would live in this house. Turn out the inside out. Bourdieu fait son travail de sociologue sérieusement, ne devenant plus personnel qu'au détour d'une phrase ou lorsqu'il quitte son texte. Donc, peu de confidences. Mais il sait se faire incisif, en particulier à l'égard de ses proches, les philosophes et les sociologues. Le point de vue qu'il adopte est strictement sociologique et les notions qu'il utilise sont celles-là même qu'il a introduites. Habitus, position sociale, champ. Il ne faut certes pas s'en étonner, mais chacun retient son souffle. C'est en quelque sorte le test ultime de la méthode. On est comme devant le savant qui s'applique à lui-même le traitement qu'il vient de trouver. Va-t-il réussir ? Blasts.